Rien ne peut plus me déranger. Et toutes les fois j'écoutais, rien ne peut plus m'arrêter. Seulement si nous on reste ensemble. Pas de bruit, mon cœur, dans ta vie. C'est tout ce que je veux. Encore une fois ma liberté. Tu m'as jamais, tu ne m'as jamais connu. Pas vraiment, ce jour n'est pas venu. Je ne t'ai jamais, tu ne m'as jamais voulu dans ton cœur. Et tu me laisses comme ça. Tu m'as jamais, tu ne m'as jamais connu. Pas vraiment, ce jour n'est pas venu. Je ne t'ai jamais, tu ne m'as jamais voulu dans ton cœur. Et tu me laisses comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Rien à dire, rien ne peut me faire changer d'avis. Toutes les fois j'écoutais, rien ne peut plus m'arrêter. Seulement si nous on reste ensemble. Pas de bruit, mon cœur, dans ta vie. C'est tout ce que je veux. Encore une fois ma liberté.